Je rougis de l'Etna, les hautes cheminées. En remuant Cusco, j'émeus les Pyrénées. J'ai pour esclave un astre. Alors que vient le soir, sur un de mes côtés, jetant son voile noir, j'ai ma lampe. La lune, au front humain, m'éclaire. Et si quelque assassin, dans un bois séculaire, vers l'ombre la plus sûre et le plus âpre lieu s'enfuit, je le poursuis de ce masque de feu. Je peuple l'air, la flamme et l'onde, et mon haleine fait comme l'oiseau-mouche éclore la baleine. Comme je fais le ver, j'enfante les typhons. Globe vivant, je suis vêtu des flots profonds, des forêts et des monts, ainsi que d'une armure.